pleurer jusqu'à. On a eu Apollo. On a chanté jusqu'à. On a eu Dagbert. On a pleuré jusqu'à. On a eu Apollo. Mais personne ne nous a écoutés. Il disait, dans ce pays, il faut qu'on se frappe. Et après ça, on va se respecter. C'est ce qu'il prophétisait. Oh Lord. Il disait, dans ce pays, il faut qu'on se frappe un jour. Qu'on se frappe bien comme il faut. Et après ça, on va se respecter. On a chanté jusqu'à. On a eu Dagbert. Et on a pleuré jusqu'à. On a eu Apollo. Il disait, y'a rien à faire, Alpha. C'est pas la peine de te fatiguer. Tu as dit tout ce que tu as dit. Ils t'ont méprisé. Tous les artistes ont parlé. Tous les chanteurs ont chanté. Les médiateurs ont médiaté. Oui, yeah. Anya Waraka. Anya Waraka. Kawaraka. Kabaka Soro, c'est ce qu'ils disaient tous. Qui que tu sois, où que tu sois, ôte-toi de leur chemin. Quand Dieu et les païens vont régler leur compte. Et j'ai dit, qui que tu sois, où que tu sois, ôte-toi de leur chemin. Quand Dieu et les païens vont régler leur compte. Anya Waraka. Kawaraka. Kabaka Soro. Oh Ben Akelemon. Le golfiston contre le conquéristan. Oh Kabaka Soro. Oh Koba Waraka. Kawaraka. Kabang, kabang, kabang, kasurung. Eh, oko ba waraka? Kawaraka. C'est ce qu'ils disaient tous. Oko ba waraka, waraka, waraka. Oko ba waraka. Kawaraka. Kabang, kabang, kasurung, kasurung, kasurung, kasurung, kasurung.